armé, au cœur de l'hypocrisie, armé, du crime légalisé, armé, et de l'austérité, armé. Sous le narin de leur patrie et de leur torchon tricolore, pour défendre leur beau pays dans une guerre qu'ils ont déclenchée. École de la soumission, armée, école de l'hypocrisie, armée, du crime légalisé, armée, et de l'autorité, armée. Et pour ne pas suivre le troupeau des citoyens qui marchent au pas, face à l'armée fait objection, face au mouton insoumission. École de l'hypocrisie, armée, école de la soumission, armée, du crime légalisé, armée, et de l'autorité, armée. Armée, école de l'hypocrisie, armée, du crime légalisé, armée, et de l'autorité, armée. Et pour ne pas suivre le troupeau, les citoyens qui marchent au pas, face à l'armée fait l'objection, face au mouton à soumission. École de l'hypocrisie, armée, école de la soumission, armée, du